voici Guillermo Guiz. Bonjour les amis. Hola, que tal? Alors, la vie d'humoriste semi-connu, c'est pas toujours évident. S'il y a bien quelqu'un qui peut en témoigner ici, c'est Tom Villa. Non, humoriste semi-connu, c'est tourner avec son spectacle dans des villes de France qu'on qualifiera de sympa mais un peu austère pour préparer les championnats d'Europe de l'euphémisme. Je peux vous dire un truc, c'est que la vie de tournée, enfin souvent tu sors de gare et t'es accueilli par quelqu'un qui te demande c'est quoi la capacité de la salle, il te fait 180, tu dis ah cool, et combien de réservations? 11. Ah ouais, donc on est parti sur un succès d'estime. Il me dit oh, t'inquiète, ça va décoller. Ah bah ouais, il est 19h30, bien sûr, ça va décoller. Spectacle dans une demi-heure, je vais arriver dans la salle, les spectateurs vont faire surprise. Et là, non seulement t'as envie de crever dans une Renault Fuego, mais le mec se sent toujours obligé de te dire c'est curieux parce que la semaine prochaine, par contre, on a Pierre-Emmanuel Barré et lui c'est complet depuis 3 semaines. Non, on aurait pu faire 6 dates d'affilée. Ah, tu fais, ah, je suis vraiment désolé. Tu dis, non, c'est pas toi, c'est pas de ta faute. C'est juste qu'il y a un Belge qui a racheté la plus grande usine de la ville et il l'a délocalisée en Roumanie. Du coup, on a 82% de chômage et l'espérance de vie est passée à 47 ans. Bah, voilà, côté belge, ça aide un peu moins. Ils ont tourné moins, ça me rend créatif, tourner. Vraiment, ça j'imagine des tas de manières différentes de me suicider. Ça va bien. Mais cette semaine, par contre, je suis allé à Liège pour animer un gala où Tom a été particulièrement bon, je dois dire. Vraiment, rarement vu un public aussi conquis. Ça va comme ça, Tom? Ouais, super. Mais ça me rappelle qu'il faut que tu me redonnes ton rib, que je te redonne mon rib par oui, contre. T'arrives à me relire, c'est bon. Ok. Mais du coup, je logeais sur place à Liège et on m'a mis dans une de ces chambres d'hôtel de ouf. Jamais vu ça de ma vie, quoi. Jamais vu une baignoire aussi grande. D'habitude, il y a une famille de caïmans. On manque évidemment. Le lit, je vous explique même pas comment il était soyeux, quoi. J'ai l'impression d'être couché directement sur les bébés de chez Soupline, quoi. Oh. La télé était énorme, énorme. Nagui m'avait jamais paru aussi grand de toute ma vie. C'était vraiment gigantesque, quoi. J'ai même pas osé me masturber, quoi. Je me disais, il y a trop d'endroits où on peut dissimuler des caméras ici. J'avais jamais le temps de tout fouiller, quoi. Vraiment. Bref, c'était fantastique. Vraiment fantastique, je devais rendre la chambre mercredi midi, je suis sorti il y a une demi-heure. Là, je me suis déguisé en femme de ménage pour pouvoir rester plus longtemps. Parce qu'on s'habitue à ça quelque part. Bon, en tout cas, on se dit un lit king size avec un matelas de ouf, c'est quand même nettement plus chouette qu'un lit de camp avec un coussin qui pue. C'est une palissade, mais c'est vrai quand même, c'est vrai. Tu peux tourner dans tous les sens le truc, mais de la bonne mozzarella, c'est quand même meilleur que la mauvaise mozzarella. Et là, les auditeurs d'Interzire, putain, c'est dommage, ce billet a bien commencé. Il y avait du rythme. C'était pas avant en punchline, mais là, on va vite aller voir sur Radio Terroir s'il n'y a pas une émission sur les travers de porc. Parce que si c'était pour entendre que la bonne mozza c'est meilleur que la mauvaise, ça, c'était pas la peine de devenir CPS plus à la retraite en plus. Là où je veux devenir, CSP plus, pardon, voilà. Ouais, c'est marrant. Tom Villa, tu vois, tu me mets des mauvais textes. C'est ma faute, je suis désolé, j'ai une faute de frappe. Pardon. Là où je veux en venir, c'est que le luxe, les amis, c'est hypocrite de dire que c'est pas chouette à vivre en soi, le luxe. C'est vrai, quoi. C'est la pire habit, tout ce que tu veux. Mais je veux dire, une fille, elle préférera toujours coucher avec Orlando Bloom qu'avec Jean Glavani, quoi. Ouais, et c'est un mauvais exemple parce que Jean Glav, il avait un swag. Mais pour le coup, c'est vrai, tout le monde devrait avoir un jour accès à la baignoire incroyable où je me suis baigné mardi, quoi. À commencer par Daniel Morin. Même à une baignoire standard, Daniel. C'est un bain siège, une douche de camping, même une douche, un tuyau d'arrosage, n'importe quoi. Pour vous, c'est rien, tu vois, mais pour nous, voilà, c'est important dans le studio, ça peut faire la différence quand même. Il n'est pas encore midi, quoi. Enfin, bref, ce que je propose pour tout le monde, que pour tout le monde puisse accéder un jour à la bonne mozza, au bon vin et au dernier progrès des sciences de l'hygiène, c'est un nouveau système d'intermittence des richesses qui remplace l'accaparement des richesses par le roulement des richesses. En gros, t'es riche un an, t'es pauvre un an, riche un an, pauvre un an. Et tu vas me dire, ouais, ça c'est la billette de Bernard Tapie. Et tu t'étonnes que t'as 11 personnes dans ta salle, évidemment. Les pertinences politiques de Michael Vendetta. Alors peut-être, peut-être que ça rend encore plus con que d'habitude les grandes baignoires. Ne changez rien, Daniel. Allez, bonne émission, les amis. Il est point virgule, Guillaume Ouvier. Merci.